Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Frédéric Ferrer, nous allons parler d'un spectacle qui sera donc à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, qui, pour cette nouvelle saison, a changé de nom, Point commun, avec un spectacle qui a pour titre Borderline Investigation, je crois qu'on le dit à l'anglaise. Oui, on peut. Mais sinon, on peut le dire à la française. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, une histoire, vous avez dit lors de la présentation de saison au Théâtre des Louvrets que vous nous invitez, au travers de votre spectacle, à regarder autrement le réel. Et le sujet est grave. Il s'agit de l'effondrement du monde. Mais en même temps, vous nous avez fait une présentation presque joyeuse. Oui, en fait, non, mais c'est parce que j'aime bien le traitement absurde et décalé du réel. Donc je m'empare parfois des sujets graves comme celui-ci, qui est l'effondrement, mais je porte un regard dessus qui montre plus l'absurdité qu'autre chose. Et l'absurdité, elle emmène souvent au rire et à la libération joyeuse plutôt des choses. Pour la forme, ça se passe comment? Il est question d'enquête, il est question effectivement de chercheurs, d'experts même. Oui, c'est une enquête faite par des chercheurs, en effet, et qui viennent présenter les résultats de leurs travaux. Et on est en fait dans un dispositif de compte-rendu, comme une conférence très sérieuse, sauf que ces chercheurs utilisent des outils pour faire leurs conférences de plus en plus absurdes, qui viennent, et tous les discours viennent s'intercaler les uns par rapport aux autres, et on part dans une exagération du réel, de la conférence, avec de multiples écrans, de multiples projections qui font qu'on est sans cesse coupé dans la narration normale du récit, etc. Et donc l'histoire, l'enquête n'arrête pas de rebondir régulièrement d'absurdité en absurdité pour avancer petit à petit, quoi. L'idée de ce spectacle, ai-je lu, vous est venue à l'occasion d'une journée d'études sur la thématique des vecteurs et maladies associés à l'Institut Pasteur. Et vous êtes sorti manifestement transformé. Cela a nourri l'idée de ce spectacle. Vous avez dit d'ailleurs dans la note d'intention, j'ai traversé cette journée comme on regarde un spectacle, naviguant de territoire de chercheur en territoire de chercheur, de PowerPoint en cartes, courbes et titres. Et effectuant ainsi, à travers ce colloque, un incroyable voyage. C'est à cela que vous nous invitez? Oui, exactement. Je trouve que les chercheurs, quand ils font les colloques, en tous les cas, quand ils rassemblent différents chercheurs et différentes présentations de travaux de recherche, sont des invitations au voyage. Et parfois, on rentre dans des mondes insoupçonnés auxquels ils nous invitent. J'aime aussi côtoyer ces mondes-là, et c'est pour ça que ce colloque m'avait beaucoup plu, c'est que je n'entendais parler, c'était un colloque sur les vecteurs, donc en fait sur les maladies transmises par des moustiques, mais à chaque fois, chaque chercheur qui intervenait parlait d'un endroit différent, ailleurs, dans le monde, avec un autre vecteur, et à chaque fois c'était une découverte, on partait sur un territoire, on partait à la recherche d'un moustique, et j'avais l'impression devant moi d'un véritable film avec plein de rebondissements. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire avec ce spectacle, c'est de faire comme ça un propos kaléidoscopique, c'est-à-dire qui va dans tous les sens. Borderline Investigation, c'est une exploration des frontières, des limites, et comme toute limite, des fois on a envie de les franchir. Voilà, de toute façon, les limites sont faites pour être franchies, et même la limite qui est notre limite terrestre, elle a été franchie, puisqu'on en est sorti de la Terre à plein de reprises. Enfin, pas tellement à plein de reprises d'ailleurs, mais on est allé au moins sur la Lune, et puis on en voit quand même des choses sur Mars. Oui, donc la question des limites pose la question du franchissement, et aussi de l'affrontement, et aussi du respect ou non de certaines limites, parce qu'il y a les limites du globe, les limites terrestres. Que fait-on avec ces limites que nous atteignons de toutes parts aujourd'hui? Comment faire en sorte que certaines limites qui sont dépassables ne le soient... que nous risquons dangereusement de dépasser, comment faire en sorte que finalement on finisse par les accepter, quoi. Alors c'est vrai que le propos au départ, on pourrait se dire, on va nous parler d'une catastrophe qui s'annonce, qui est tous les jours davantage précisée. Et en même temps, j'imagine aussi quand on a affaire à ces quatre experts internationaux qui sont, il faut bien le dire, particuliers, singuliers, qui vont traiter ces sujets hautement scientifiques peut-être, de manière absurde, il y a quand même une lueur d'espoir, je crois savoir, parce qu'effectivement, le chercheur, le scientifique, il symbolise au regard de chacun de nous le progrès possible, la solution possible à tout l'ensemble de ces maux de la Terre. Oui, en tous les cas, il propose des solutions, il propose de chercher, de réfléchir. En fait, il nous met en alerte en permanence. Donc, et c'est la position dans laquelle... Vous savez, moi, je trouve que l'effondrement vers lequel nous allons, il est particulièrement joyeux. Pourquoi il est joyeux ? Parce qu'en fait, il va nous obliger à tout réinventer. Parce que finalement, on est dans un système qui n'est pas bon. Et donc, tout réinventer, mais c'est plutôt joyeux. On a la chance de vivre dans un monde où il faut qu'on sorte de la fatalité et où on a à inventer comment vivre demain. Et donc, ça, c'est plutôt joyeux. Alors, évidemment que le risque, c'est que ça se fasse à un prix très élevé. Mais voilà, justement, ce à quoi nous devons travailler, c'est faire en sorte que le prix soit le moins élevé possible et que nous puissions nous adapter rapidement à cette entité sur laquelle nous vivons et dont nous ne pouvons pas dépasser certaines limites. La possible invention de nouveaux scénarios, en effet, de développement de l'être humain et du vivant sur Terre, c'est peut-être ailleurs, avez-vous dit dans votre note d'intention ? Oui, c'est peut-être ailleurs, même si moi je n'y crois pas, mais c'est peut-être ailleurs, et en tous les cas, il y a de belles perspectives actuellement avec l'exobiologie d'aller peut-être trouver de la vie ailleurs, peut-être, et si on trouve de la vie ailleurs, bah peut-être imaginer une vie ailleurs aussi. Mais on peut pas imaginer, on peut tout à fait imaginer une vie ailleurs, mais on peut pas imaginer une vie ailleurs qui serait le résultat de la destruction de la vie ici. En fait, c'est pas possible ça. Sur le plan théâtral, ça prend quelle forme ? Parce qu'effectivement, là, on parle de sujets très sérieux, changement climatique, disparition des espèces, l'effondrement de la biodiversité, désertification, plasticage des océans, des sujets qui traversent nos actualités quotidiennement. Et on se dit, bon, comment ça peut se traduire sur un plateau de théâtre ? Bah là, c'est la mise en scène d'une conférence internationale, d'un colloque, en fait, d'un colloque avec cinq chercheurs. Et voilà, le problème qu'il y a avec ce colloque, c'est que ce n'est pas un colloque comme les autres, au sens où les chercheurs ne se laissent pas la parole les uns après les autres, puisqu'ils n'arrêtent pas de se couper. Donc c'est ça le problème, et donc ça crée énormément d'accidents et d'absurdes. Vous avez les dates peut-être en tête de votre venue ici à Cergy-Pontoise. J'aurai l'occasion de le préciser avec donc les horaires et le lieu. Merci Frédéric Ferrer. Donc invitation à découvrir ce spectacle, Borderline Investigation. J'ai vu avec un numéro 1, ça veut dire qu'il y a des suites tout à fait envisageables. Oui, tout à fait. Il y a le second qui est en... pour l'instant dans des valises. Il n'est même pas dans des valises, il est quelque part, mais on va le trouver. Un grand merci à vous. Le spectacle Borderline Investigation 1 est à découvrir les mercredis 18 mars à 20h30, le jeudi 19 mars à 19h30, et c'est au Théâtre des Louvrets à Pontoise, un spectacle qui sera présenté dans le cadre de Art et Humanité, rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du 18 mars prochain.